On sait qu'un manipulateur commence à isoler sa proie. On est les recalés de l'emploi, boycottés dans les médias. Vos clichés fabriqués m'ont taclé sur la ligne médiane. Est-ce pour ça qu'à la barre, pour nous, y a pas le même code pénal? La burqa, c'est illégal. Tu te demandes pourquoi j'en ris? C'est juste ouvrir la braguette à l'électorat de Jean-Marie. On survit dans l'illicite, eux ils disent qu'on est né pour. On refuse pas un débat avec Marine ou Éric Zemmour. Eux ils cherchent des différences, moi je rêve qu'on avance ensemble. Le capitalisme à l'extrême, mais les convoyeurs ensemble. Arrêtons de mettre en avant ce qui nous divise. J'ai l'impression qu'on a oublié ce qui nous rassemble. L'intégration et son ministère, nique ni sa mère. J'suis pas né ici pour donner du travail à ses fonctionnaires. La 5ème République en position missionnaire. Si on aime la France, c'est pour ses valeurs révolutionnaires. On baisse le Front National, la police nationale. Le quartier, j'en ai hérité, c'est mon identité nationale. On baisse le Front National, la police nationale. Le quartier, j'en ai hérité, on est international. Rebut de la société sans identité nationale. On m'a menti sur l'histoire dans l'éducation nationale. C'est pas de ma faute si tu renies ton ancien passé colonial. Citoyen, on est l'avenir, t'y peux rien. On est à la haine, nos dirigeants en France est devenu palpable. On a les idées dérangeantes aux yeux de ces bâtards. On est souvent méprisé car ils trouvent qu'on parle mal. Mais à l'Assemblée nationale, ils s'insultent et ça passe crème. C'est toujours l'aristocratie française qui nous gouverne. C'est pas moi mais 1789 que ça bouleverse. Ils répondent à nos SOS avec des boules caisses. Les discours, les langues de bois, laissons leur clou le bec. Ici c'est politique et propagande à sourde oreille. Quand le peuple gronde, la xénophobie s'accumule, la misère faut s'en accommode. Le gouvernement c'est le casting d'un journal people à la mode. Le gouvernement c'est le casting d'un journal people à la mode. L'intégration et son ministère, nique sa mère. J'suis pas né ici pour donner du travail à ses fonctionnaires. La 5ème République en position missionnaire. Si on aime la France, c'est pour ses valeurs révolutionnaires. On baisse le Front National, la police nationale. Le quartier, j'en ai hérité, c'est mon identité nationale. On baisse le Front National, la police nationale. Le quartier, j'en ai hérité, on est international. Tous ces vampires financiers, tu sais qui c'est eux les macs. Monsieur Kerviel est un faux, les vrais, on les enferme hap. Quand il faut rendre des comptes, nos dirigeants font volte-face. Bien conscient que mes propos font moins de dégâts qu'une orthophage. La justice n'est pas aveugle, non, elle a un œil de verre. Innocent, jugé, coupable, relaxé après 10 ans ferme. T'attends un mea culpa, ils t'offriront des chrysanthèmes. Les hauts placés nous écoutent pas, ils font leur promo à l'antenne. Le droit de vote des anciens se sont battus pour ça. Je vote pour contrer le FN, donc on limite mes droits. Tous les 5 ans, je mets un pansement sur une jambe de bois. T'en profites en donnant du crédit aux hommes de loi. Pas prêt de signer d'armistice pour les notes, y'a pas d'amnistie. La France et son hypocrisie nous ronge autant que son amnésie. Tu peux toujours aller taffer, t'auras pas le salaire de Sarkozy. On nous parle d'égalité avec un sourire sarcastique. Le droit d'asile à la différence, on n'y croit pas, comprend, attends. Moi je te croyais pas capable d'expulser un avion. Tu vends tes droits de l'homme dans le monde avec du talent. Ici on attend toujours que tu viennes relever le challenge. L'intégration et son ministère, nique sa mère. J'suis pas né ici pour donner du travail à ses fonctionnaires. La 5ème République en position missionnaire. Si on aime la France, c'est pour ses valeurs révolutionnaires. On baisse le Front National, la police nationale. Le quartier, j'en ai hérité, c'est mon identité nationale. On baisse le Front National, la police nationale. Le quartier, j'en ai hérité, on est international. Pourquoi on baisse tous le Front National? Parce qu'ils cultivent le mythe de la race supérieure dans leur programme. Baisse la justice et la police nationale tant qu'ils nous assassinent et se font acquitter à la barre. 26 000 sans son, je sens malsain les KOA.